Radiomatic. Le quartet du trompettiste Éric Truffaz posait les premières notes et donnait le tempo de la transmission 260 d'Audiomatique grâce à la pièce titre de son album El Tiempo de la Revolución. Pour les sonoristes, le temps est précieux et chaque mot prononcé est une note de moins dans vos oreilles. Voici donc, sans plus s'attarder, Love and Rockets. Let the Il s'agissait à Audiomatique du duo Ruby, formé à l'époque de Leslie Rankine et de Mark Walk, qui a fait partie du groupe Pig Face et qui collabore entre autres avec Skinny Poppy. Du premier album de Ruby, intitulé Saltpeter, nous entendions la chanson Pine. Mentionnons que Ruby est maintenant le projet solo de Leslie Rankine et son dernier album Waiting for Light, qui a été produit par son frère Scott Firth, remonte à 2014. Et pour débuter, nous vous avons présenté le défunt groupe britannique Love and Rockets, qui a été fondé en 1985 par les trois membres restants du groupe Bauhaus lorsque Peter Murphy a quitté le groupe de leur sixième album studio Sweet Fuck All, paru en 1996. Nous écoutions la chanson Words of a Fool. Le groupe God Lives Underwater lance la prochaine séquence musicale avec sa pièce Happy. Yeah. Le temps qui passe sur le corps fatigué, la tête qui casse sous le soleil de mai. Y'a un fantôme dans mon miroir, un soleil blanc, un soleil noir. Le temps qui pleure des images éclatées, ma tête qui tourne comme une horloge. Thank you. This is a prison, and these people aren't your friends. Inhaling thrills through $20 bills, and the tumblers are drained and then flooded again and again. Formation de Postal Service concluait cette séquence musicale à Audiomatique grâce à sa pièce This Place is a Prison, tirée de l'unique album Give Up, paru en 2003. Soulignons au passage que le chanteur de Postal Service est Ben Gibbard, mieux connu pour sa participation à la formation Death Cab for Cutie. Avant The Postal Service, c'était le groupe trifluvien Cosmophone et la pièce Soleil Blanc tirée de l'album intitulé Larmes Confetti. Pour les intéressés, sachez que Cosmophone offrira une performance ce vendredi 11 octobre à l'église Saint-James dans le cadre du lancement d'album de la formation Perséide. Et avant Cosmophone, nous écoutions God Lives Underwater et la pièce Happy, apparaissant sur le deuxième album Life in the So-Called Space Age, album qui est paru en 1998. Vous écoutez toujours et encore Audiomatique, qui se poursuit cette fois avec la formation écossaise The Pohuns. Thank you.

So desperate and kind, so pure and so pointless, so helpless and blind. And is there no anger, just pills for the pain? My friend, you've been wasted, and you will be again. So softly, you can't see the blame. Like a dog with a bone, you refuse to let go. But still, you talk soft, so desperate. So pure and so pointless, so helpless and blind. And is there no anger, just pills for the pain? My friend, you've been wasted, Audiomatique. Vous avez pu entendre le groupe Mojave Tree, formé en 1995 par certains membres du groupe Slowdive, qui à cette époque avait perdu son contrat de disque avec l'étiquette Creation Records. Du troisième album de Mojave Tree, intitulé Excuses for Travelers, nous vous avons offert la chanson She Broke You So Softly. Tout juste avant, nous avions droit au défunt groupe américain School of Seven Bells et la chanson The Wait, qui ferme leur deuxième album Disconnect from Desire, lancé en 2010. Et en amorce de séquence, vous avez peut-être reconnu le classique du groupe The Cure, 10:15 Saturday Night, repris ici par le groupe écossais The Poems. Cette version est parue sur la compilation Just Like Heaven, A Tribute to The Cure. Et pour ce qui est de la version originale interprétée par The Cure, elle se retrouve sur leur premier album qui porte le titre de Three Imaginary Boys pour le marché anglais ou Boys Don't Cry pour les marchés canadiens, américains et australiens. c'est la formation State of Bengal qui mettra un terme à la transmission 260 d'Audiomatique grâce à sa pièce EK Bullet, pièce qui se retrouve sur l'album Visual Audio, paru en 1998. C'est bien entendu mercredi prochain dès 17h que les sonoristes vous présenteront la transmission 261 d'Audiomatique en direct sur les ondes de C'est fou. Sachez également que nos plateformes facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique hébergent toutes nos anciennes émissions si jamais vous étiez tenté de tendre l'oreille à un autre moment que le mercredi entre 17h et 18h. Voici donc State of Bengal et la pièce EK Bullet. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne écoute et on vous dit à la semaine prochaine. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Silkier Spice. Egg, egg, egg, egg, egg. Pull it, pull it, pull it, pull it.